soir de solitude, il est venu gratter au palier. C'était loin d'être une habitude, jusqu'ici il se prenait des coups de pied. Après 2 jours d'attente, on l'a recueilli tout penaud. Les cailloux étant monnaie courante, pour lui les caresses c'était nouveau. Marqué par son début de vie, pas un poil de graisse sur le dos. Au bord de l'agonie, le seul fait d'être un chien pour fardeau. Il enchaîne les conneries, presque trop faible pour tenir debout. C'est un pot de colle tout amaigri, et pour survivre, il monte sur nos genoux. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, elle n'a enfoui qu'un vilado. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, un caon che stavasso. Il a un petit cerveau, il comprend rien à ce qu'on lui dit. Son nom c'est bien Sacco et il adore bouffer des fourmis. 2 kilos tout mouillé et des oreilles de lapin. La peau bien esquintée, de longs calmes de serin. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, elle n'a enfoui qu'un vidado. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, un caon che stavasso. Couché, papa en rond, je défends ma paillasse. Je déménage la maison dès que mes maîtres se cassent. En plus je me suis fait un copain, on est de la même espèce. Avec lui on s'amuse bien, même si je trouve parfois trop près de mes fesses. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, elle n'a enfoui qu'un vilado. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, un caon che stavasso. J'suis pas un solitaire, loin d'être enrobé. Je passe à travers la barrière, les poubelles sont juste à côté. Pour garder la maison, tout ça faut éviter. Donc on me fait prendre du bidon pour qu'au portail je ne puisse plus passer. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, mangeo a chi sosigno. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, un cane si madoriscio. J'ai un collier eucalyptus, on me sent venir de loin. Il paraît que c'est contre les puces, si ça leur fait plaisir aux humains. D'ailleurs ils se foutent de moi, parce que je suis bateau. Je sais, je suis maladroit, mais mes muscles c'est zéro. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, mangio a chi sosigno. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, un cane si madoriscio. Depuis qu'on l'a récupéré, il est de moins en moins peureux. Son but est de se faire câliner et oublier les temps malheureux. Ombre difforme qui se découpe sur la lune. Petit chien hors norme qui n'en loupe pas une. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, mangio a chi sosigno. Sacco di osso magro, sacco di osso magro, sacco di osso magro, un cane si madoriscio, un cane si madoriscio, un cane si madoriscio.